6e siècle avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar a atteint le pinacle du pouvoir. Tout un chapelet de nations plie sous le joug de ses armées d'occupation. Babylone est devenue la reine des capitales de l'Antiquité. Et, inutile de le préciser, le conquérant invincible, le roi soleil de l'époque, est divinisé par tous ses sujets. Ses ministres et ses courtisans, l'encens de flatterie. D'un geste, le surhomme peut abaisser l'un et élever l'autre. Aussi nombreux sont les conseillers du roi, les astrologues, les devins, les magiciens et d'autres sages qui se disputent âprement l'honneur d'approcher le souverain et d'influer ainsi sur les destinées de l'Empire. Évidemment que ce n'est pas tâche aisée de réunir sous une même bannière des dizaines d'ethnies qui s'expriment chacune dans une langue particulière et de gouverner un ensemble de peuples aux ascendants historiques différents. De plus, Nebuchadnezzar vit à une époque charnière de l'histoire. Et pour cette époque charnière, Dieu désire lui révéler sa stratégie souveraine. Or, puisque le texte biblique n'est pas encore achevé ni accessible à tous, Dieu a sa manière bien à lui de parler au roi. Nous lisons Daniel 2:1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Ce n'est du reste pas la première fois que Dieu trouble le sommeil d'un roi pour lui communiquer ses plans. Qui ne se souvient d'Abimélec, le roi des Philistins, contemporain d'Abraham, soudain informé de la volonté de Dieu par un rêve? Ou, surtout, du pharaon d'Égypte, averti par Dieu des 7 années de famine, songe que Joseph avait interprété? Une précision s'impose toutefois. Ne nous attendons pas aujourd'hui à ce que Dieu nous communique ses directives par des rêves. Nous disposons de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est là le moyen essentiel que Dieu a choisi pour parler aux hommes. Et c'est pourquoi de nos jours, c'est très exceptionnel quand Dieu révèle sa volonté par un rêve. Revenons à Nebuchadnezzar. Un songe particulier a agité son esprit et l'a bouleversé à tel point qu'une sorte d'amnésie le frappe et qu'il est incapable de se souvenir de son rêve. Cependant, si Nebuchadnezzar ne s'en souvient plus, il est néanmoins persuadé que ce qu'il a rêvé est d'importance capitale. Il pressent que, par ce moyen, le souverain des cieux a voulu lui montrer les grandes lignes d'un avenir qui lui échappe. Aussi réunit-il ses sages en un conseil suprême. Le roi leur dit « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnons l'explication. » Daniel chapitre 2, versets 3 et 4. En prédisant l'avenir, les magiciens de Nebuchadnezzar n'agissaient guère différemment des devins, des astrologues et des diseuses de bonne aventure d'aujourd'hui. Il partait de faits réels pour en tirer des présages et circonvenir ainsi l'esprit du souverain. Or, les médiums modernes font exactement la même chose, ils circonviennent l'esprit d'innombrables victimes pour les éloigner de Dieu et les assujettir à Satan. Les magiciens de Nebuchadnezzar avaient sans doute l'habitude de faire des prédictions mirobolantes dans le secret espoir d'en retirer un avantage personnel. Mais cette fois, ils ne s'en tireront pas comme précédemment, car le roi est anxieux. Il ne veut pas qu'on lui dore la pilule, et il veut connaître la vérité, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi il use même de menaces à l'encontre des magiciens. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Verset 5. Les mages de Babylone ont beau insister auprès du roi. Ils ne changent pas d'avis. Au contraire, plus ils insistent, plus le roi se méfie d'eux. Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi... « Dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Versets 8 à 9. Nebuchadnezzar, pressent que les temps vont changer, il est troublé à la pensée qu'une rupture du cours normal des événements va bouleverser entièrement son empire. Il voudrait parer à ce coup du destin. Alors, puisque les sages de Babylone se targuent d'avoir communication avec les dieux, ne peuvent-ils pas aussi découvrir ce songe? Cependant, les sages de Babylone en sont incapables et déconfient, ils se retirent de la présence du roi. Dès lors, les choses vont bon train. Le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Versets 12 et 13. Souvenez-vous, Daniel, Anania, Michaël et Azaria sont les quatre jeunes Hébreux que Nebuchadnezzar avait déportés de Jérusalem à Babylone, des jeunes gens intègres, loyaux, fidèles à la foi de leur père. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Daniel 1, 17. Ils se sont même prouvés être 10 fois supérieurs à tous leurs collègues. Était-ce alors étonnant que ces prix Nobel de l'époque figuraient aussi sur la liste des sages destinés à périr? À ce moment-là, Daniel est entré en scène. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel 2, 14 à 16. Premier souci de Daniel au retour du palais, informer ses 3 amis, afin qu'ensemble, ils prient le Très-Haut. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Versets 17 et 18. Peut-être que ces jeunes gens n'ont jamais prié avec tant de ferveur. Leur vie et celle de tous les sages de Babylone tenaient à un fil. Il fallait que le Dieu souverain révèle le songe, sinon c'en était fait d'eux. Mais il y avait plus. Pour eux, ce n'était pas seulement une question de vie ou de mort, mais le renom et la gloire de leur Seigneur étaient en jeu. Et n'était-ce pas en dernier ressort le souverain des cieux qui avait agité l'esprit du roi pour qu'il tienne compte de ses avertissements et se comporte avec plus de respect vis-à-vis du Tout-Puissant? L'Écriture ne nous dit pas combien de jours les 4 jeunes gens ont prié, mais leurs prières furent merveilleusement exaucées. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Versets 19 à 23. Au cours de notre prochaine émission, nous verrons comment Dieu a conduit les événements de l'histoire pendant les siècles suivants et suscité l'un après l'autre les 4 empires universels de l'Antiquité. Il s'agit là d'une prophétie d'une importance capitale puisqu'elle embrasse non seulement les 5 siècles d'histoire séparant l'Empire chaldéen de la naissance de Jésus-Christ, mais encore notre époque et celle de demain. En effet, nous sommes parvenus au seuil de grands événements qui doivent secouer l'humanité entière. Des événements auxquels la Bible fait de fréquentes allusions et qui étaient également annoncés par ce songe de Nebuchadnezzar. Mais laissons ce passionnant sujet et revenons maintenant à Daniel. Il commence par expliquer au super dictateur de l'époque que le Dieu des cieux exauce les prières. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel 2, versets 28 et 30. Chers auditeurs, pourquoi n'avez-vous pas à votre tour cette confiance illimitée dans le Dieu des cieux? Celui qui exauce la prière et révèle ses plans et sa parole à ceux qui sont intègres devant lui? Notre époque a besoin de témoins de la trempe de Daniel et ses amis, d'hommes et de femmes qui, par leur foi et leur dépendance du Seigneur, sauront communiquer au monde la parole divine. Cette parole divine sauve, éclaire ce qui est obscur et répond aux besoins de tous les hommes. Où sont aujourd'hui les chrétiens qui sauront mettre Dieu à l'épreuve et qui vivront dans l'attente de l'exaucement de leurs prières, en sachant qu'ils ont un Seigneur vivant qui se plaît à écouter les requêtes de ses enfants ?